Comment se faire aimer ? Se demandait Tullot sans écouter Crevelle. C'est une bêtise à nous autres de vouloir être aimés, mon cher, dit Crevelle. Nous ne pouvons être que supportés, car Madame Marneffe est 100 fois plus rouée que Josépha. Et à vide, elle me coûte 192 000 francs, s'écria Hulot. Et combien de centimes ? Demanda Crevelle avec l'insolence du financier en trouvant la somme minime. On voit bien que tu ne l'aimes pas, dit mélancoliquement le baron. Moi, j'en ai assez, répliqua Crevelle, car elle a plus de 300 000 francs à moi. Où est-ce ? Où tout cela passe-t-il ? Dit le baron en se prenant la tête dans les mains. Si nous nous étions entendus, comme ces petits jeunes gens qui se cotisent pour entretenir une lorette de 2 sous, elle nous aurait coûté moins cher. C'est une idée, repartit le baron, mais elle nous tromperait toujours, car mon gros père, que penses-tu de ce Brésilien ? Ah, vieux lapin, tu as raison, nous sommes jouvés comme des actionnaires, dit Crevelle. Toutes ces femmes-là sont des commandites.